professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment Rome et les grandes villes antiques étaient approvisionnées en huile d'olive qui n'était pas un produit de luxe? Quelle était la qualité des huiles d'olive, demande l'archéologue Jean-Pierre Brun. Selon la variété des olives, quelles conséquences sur la production des huiles? Comment les variétés pouvaient-elles être mélangées? Et quels étaient les modes de consommation des huiles, des soins du corps à l'alimentation et à l'approche médicinale? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et économie de la Méditerranée antique, nous entraîne dans une vaste fresque sur le temps long, plusieurs millénaires, dans le cadre de sa série pluriannuelle qu'il consacre à l'économie de l'huile d'olive dans l'Antiquité et aux innovations techniques qui lui sont liées. L'archéologue rappelle dans ses différentes présentations que l'objectif de la chaire Technique et économie de la Méditerranée antique est d'exposer l'apport de ses recherches archéologiques récentes, le plus souvent lors des fouilles préventives, à la connaissance de l'histoire des techniques et de leur impact sur l'économie antique. Dans sa leçon inaugurale en 2012, il soulignait, et je le cite, qu'il se contenterait sur l'étude de l'archéologie de la production, secteur fondamental, parce qu'il embrasse l'infrastructure de la société et restitue les vestiges laissés par les gens du peuple qui n'ont ni le pouvoir, ni la culture pour fournir des témoignages écrits. Il s'agit donc de compenser un biais permanent de l'histoire en faveur des dominants et des franges marginales de l'activité économique, telles le commerce des biens de luxe, éclatant et bruyant. Il faut donc s'efforcer de contrebalancer le poids des couches supérieures de la société par l'étude des masses rurales et urbaines dans leur fonction de production. La croissance, dans l'Antiquité comme aujourd'hui, est le fruit d'une évolution profonde de la population, de son bien-être et de son éducation qu'on peut entrevoir au travers de l'habitat, des lieux et des formes de travail, de l'alimentation et de l'état sanitaire. Dans les années qui viennent, je me propose de présenter, dit-il encore, l'état des recherches sur l'archéologie des innovations techniques, de l'énergie, de la main-d'œuvre, de l'agriculture, et en particulier de l'agriculture spécialisée, des infrastructures du commerce et de l'évolution proto-industrielle de certains artisanats. Nous retrouvons à côté des citations des nombreux travaux archéologiques les plus récents, celles des textes antiques, les Pline, les Caton, les Théophrastes, mais aussi Hippocrate. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 19 décembre 2017 pour le cours de Jean-Pierre Brun, Technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, quelle utilisation de l'huile d'olive ? L'huile d'olive n'était importée massivement que dans deux cas. Premier cas, on importait de l'huile lorsque des groupes humains la réclamaient dans des zones situées hors de la zone, hors de l'aire méditerranéenne, et lorsque la demande urbaine excédait les capacités de production du territoire économique d'une ville. Dans ce premier cas, l'huile d'olive est un marqueur culturel que demandent, par exemple, les colonies grecques implantées dans les zones non productrices telles que le nord de la mer Noire. Polybe, au livre 4, paragraphe 38, sous paragraphe 5, indiquait, au IIe siècle avant notre ère, qu'elles importaient de l'huile en échange de miel, de salaisons de poissons, de bestiaux et d'esclaves. Il écrit que nous leur expédions de l'huile et des vins de toute espèce dont nous avons plus qu'il ne faut pour notre consommation. Et il dit que les Grecs ne pouvaient être privés de toutes ces denrées et que les habitants de Byzance tiraient un grand profit de ce commerce. Un autre type de consommateur culturellement déterminé est le soldat italien ou méditerranéen. Des marchands approvisionnés en huile d'Espagne, d'Afrique, d'Istrie ou de mer Égée, les troupes romaines stationnées dans le nord de l'Europe, sur le Danube et dans des lieux isolés comme le désert. C'est ainsi que les militaires en poste au Mons Claudianus ou à Didymoi dans le désert oriental d'Égypte commandaient, tout comme leurs homologues de Vindolanda en Bretagne ou de Altern ou Hofheim en Germanie, au 1er et 2e siècle, de l'huile d'Espagne dans les Dresselvins, de l'huile d'Afrique, de l'huile de Tripolitaine, et nous l'avons vu de la mer Égée dans les Dressel 24. Dans le deuxième cas, la demande d'huile était provoquée par l'augmentation démographique des villes devenues capitales régionales ou impériales. Leur croissance était telle qu'il fallait importer massivement toutes sortes de produits alimentaires, céréales, salaisons de poisson et de viande, vin et huile. Dans le cas de Rome, puis de Constantinople, il fallut organiser toute une filière d'approvisionnement avec des incitations fiscales pour les marchands afin d'éviter les pénuries, car la consommation dépassait de loin les productions régionales d'huile, qui restent peu visibles pour nous, car, comme nous l'avons vu, elles étaient apportées en outre. C'est le cas, par exemple, de l'huile de la région de Rome ou, je pense, de l'huile d'Apulie. Ces particularités de l'offre et de la demande explique que les types d'amphores à huile soient nettement moins nombreux que ceux d'amphores à vin ou à salaison de poisson. Ces deux produits étaient commercialisés en bien plus grande quantité et diversité que l'huile, et ceci pour deux raisons. D'une part, l'huile est un produit concentré qui est extrait en petite quantité et qui est consommé pour la nourriture et pour les soins du corps en proportion plus réduite que le vin ou les conserves de poisson. En clair, la demande est peu élastique, à la différence du vin, qui est avant tout une drogue dont la consommation est très extensible. Il est donc normal que les amphores à huile soient nettement moins nombreuses que les autres, sauf exception, comme l'approvisionnement organisé de la ville de Rome. D'autre part, les variétés de vin et de produits à base de poisson sont bien plus nombreuses que celles de l'huile, dont le commerce porte surtout sur l'huile d'olive et dans une bien moindre mesure sur certaines huiles de graines comme l'huile de ricin utilisée pour les lampes comme nous allons le voir. En conséquence, on constate à la fois la grande variété des amphores à vin et à poisson mais aussi des différences de taille. Certains vins de prix étaient en effet exportés dans de petits conteneurs, des cruches ou des lagènes, c'est-à-dire une espèce d'amphore à fond plat et à deux anses, ce qui ne semble pas avoir été le cas pour l'huile. Les vins communs étaient expédiés dans de grandes amphores et puis surtout dans des tonneaux, de même que les salaisons de poisson. L'huile d'olive non traitée, c'est-à-dire non parfumée, n'était pas un produit de luxe, ce qui explique qu'il n'y ait pas d'attestation de trafic en petits conteneurs, même si les anciens savaient apprécier ces différentes qualités, comme nous allons le voir maintenant. Selon la variété des olives, le degré de maturité, le mode de détritage, la phase de décantation, la région d'origine, la qualité de l'huile d'olive varie fortement. Les anciens distinguaient donc plusieurs sortes d'huiles propres à divers usages allant de l'alimentation aux soins du corps ou à l'éclairage. C'est à l'époque romaine que les sources écrites établissent les distinctions les plus nettes, mais il ne fait pas de doute qu'elles remontent bien plus haut. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait à la fois des distinctions communément acceptées et d'autres propres à chaque auteur. Alors essayons de serrer les diverses catégories et leurs fondements. Commençons par les variétés. Les olives, selon leur variété, ne donnent pas toutes la même huile. En Italie romaine, les auteurs d'écrits agronomiques indiquent principalement cinq variétés très prisées pour la qualité de leur huile ou leur rendement. La Licignana, citée par Caton, De Agricultura 6.2, et par Varron, en Res Rusticae 1.24.2 et par Pline, dans l'Histoire naturelle 15.6. La Colminia, mentionnée par Caton, au même paragraphe, et par Varron aussi au même paragraphe. La Sergia, qui est mentionnée par Columel en 5.8.3 et repris par Palladius en 3.18.4. La Conthia, qui est citée par Pline en 15.13. Et l'Oleastella, appelée aussi Salentina ou Calabrica, citée par Caton en 6.1, Varron au même paragraphe 1.24 et par Columel au livre 12, paragraphe 51.3. Ces variétés sont un peu les équivalents de nos huiles dites de cépage, un produit haut de gamme que préparent certaines huileries telles que la coopérative de Clermont-l'Hérault par exemple, ou les huileries de Buis les Maroni dans le Vaucluse. Toutefois, les analyses réalisées sur les noyaux d'olive montrent que l'huile était extraite de plusieurs variétés mélangées. En effet, les oliviers n'étant pas autoféconds, il faut mélanger les variétés pour s'assurer une récolte correcte. Les indications des auteurs latins nous indiquent donc qu'il faut les prendre avec certaines nuances. Plutôt que des monovariétés, il s'agit probablement de variétés dominantes. Une deuxième catégorie de classement est directement liée à la maturité. Le moment de la récolte influe grandement sur le produit obtenu. Une distinction de base admise par tous est résumée par Isidore de Séville dans les Étymologies, livre 18, 7, 68. L'huile, dit-il, exprimée des olives blanches, est dite huile espagnole et les Grecs l'appellent onfacion. L'huile exprimée des olives jaunes avant la maturité s'appelle huile verte. L'huile exprimée des olives très mûres s'appelle huile ordinaire. Pour les usages de la vie, l'huile de la première qualité est l'huile espagnole, de la seconde la verte, de la troisième l'ordinaire. Les auteurs des textes agronomiques grecs et latins distinguaient donc l'oleum acerbum ou estivum, extraite d'olives vertes qui étaient tombées au cours de l'été et le rendement était très faible. Ensuite, donc, l'oleum onfacium ou onfakinon en grec, ou selon Théophraste dans le De Odoribus, et repris par Dioscoride et puis par Pline dans l'Histoire naturelle 12, livre 12, paragraphe 12 et 130, cette huile qui était faite en novembre à partir d'olives vertes ou encore vertes était surtout employée pour la médecine et la parfumerie. L'huile blanche faite avec des olives non encore arrivées à maturité était en effet considérée comme la plus raffinée, la plus digeste. Athénée, au livre 2, paragraphe 66F, dit que la plus blanche est celle de Samos. Cette huile, si appréciée, pouvait faire exceptionnellement l'objet d'évergésies remarquées. À Pergame, au 1er siècle avant Jésus-Christ, on fit un décret en l'honneur d'un certain Straton qui, au cours de sa gymnasarchie, une magistrature qui était chargée de la gestion du gymnase, ce Straton donc avait fait une distribution d'huile blanche, Elaion Lecon, pour que les éphèbes puissent s'endurer le corps et il a donc mérité une inscription honorifique pour rappeler cette évergésie. Il y avait ensuite donc l'oleum viridé, issu d'olives commençant à peine à mûrir et dont l'aspect est bigarré. Au dire de Caton dans le De Agricultura 3.3 et paragraphe 65 et de Columel en 12.51, c'est la meilleure huile. Son rendement était à peine inférieur à celui de l'huile mûre, mais son prix était bien plus élevé et donc la réservée aux élites sociales. Elle était d'ailleurs commercialisée dans des amphores portant des indications précises sur la qualité et le producteur. Une amphore découverte dans les fouilles du Palazzo Corigliano à Naples porte l'inscription « Olei viridis, luci servilliatiani, primum », ce qu'on peut traduire, « huile verte produite par Lucius Servilius Atianus, huile de première qualité ». Empiriquement, Les anciens avaient donc déterminé le meilleur moment pour cueillir les olives. On sait maintenant que la maturation complète entraîne une hausse de l'acidité à cause de l'accélération de la lipolyse enzymatique et entraîne aussi une baisse du taux des polyphénols. Au cours du processus d'extraction, l'ajout d'eau destinée à compenser le séchage du fruit, qui se produit lorsque l'olive est très mûre, se traduit par une dissolution des polyphénols qui sont éliminés avec les margines au lieu de rester dans l'huile. Or, les études récentes montrent que les qualités gustatives de l'huile et ses effets bénéfiques pour la santé résident en grande partie dans un faible taux d'acidité libre et dans une proportion optimale de polyphénol. Et on arrive donc à l'une des dernières catégories, qui est l'oleum kibarium ou maturum, c'est-à-dire l'huile alimentaire ou l'huile mûre, qui était obtenue à partir d'huile qui était bien mûre entre janvier et mars. En Grèce, on l'appelait Elaion Koinon, selon Dioscoride, livre 1, paragraphe 30. Son rendement était maximum, mais son prix moins élevé que celui de l'oleum viridé. Et vous avez à ce sujet à voir ce qu'en dit Caton au paragraphe 146, ainsi que Pline au livre 15-23 et Columelle au livre 12-52. Cette huile était faite souvent avec des fruits trop mûrs et véreux, ramassés par terre. Elle était surtout employée pour la cuisine. C'est pour cela qu'on l'appelait oleum sibarium, l'huile de table. Les classes populaires s'en contentaient le plus souvent. Dans l'édit sur les prix de Dioclétien, daté de 301 de notre ère, un setier d'oleum kibarium vaut 12 deniers, alors que le prix d'un setier d'huile de la meilleure qualité, l'omphacium, est fixé à 40 deniers, c'est-à-dire 4 fois plus pratiquement. Cette huile, issue d'olives le plus souvent fermentées, était forte. Les agriculteurs et les classes populaires la voulaient ainsi car ils y étaient habitués. À l'époque moderne, le comte de Cinéti écrira dans un ouvrage qui s'appelle « L'agriculteur du Midi » paru en 1803 que le paysan consommant sa propre huile n'a pas besoin de la faire bonne. Il vaut mieux en avoir plus et sa mauvaise qualité, selon Cinéti, était une incitation à en manger moins, donc à économiser. Ce comportement des agriculteurs et des paysans a toute chance de remonter très haut dans le temps. Troisième grande catégorie de classement des huiles est liée au phénomène du détritage et de décantation. En Judée, patrie de l'olivier, trois catégories d'huiles sont constamment mentionnées dans la Mishnah et dans le Talmud. Mais les rabbins ne s'entendaient pas sur les définitions. Selon le Talmud de Babylone, dans le traité Menhot 86a, le rabbi Yehuda ben Ilai, qui vécut au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, disait, je cite, « Les olives sont écrasées dans le moulin et placées dans l'escourtin. L'huile qui s'écoule alors est la première. L'escourtin empilé et pressé par l'arbre coule la seconde huile. » Puis la pâte, broyée à nouveau et pressée une seconde fois, donne la troisième huile. Et pour faire l'huile destinée au temple, il fallait, selon le rabbi Yehuda, que les olives soient écrasées dans un mortier et non dans un moulin, et que l'escourtin soit comprimé seulement par des pierres et non pressé par un levier. Il s'agit à l'évidence d'un mode d'extraction très archaïque qui avait été figé par les usages religieux. Dans la pratique courante, il était au contraire commun de presser plusieurs fois avec le levier. Un passage du traité Medcatum en 2.1 interdit, en cas de deuil ou d'accident, de faire plus d'une pressée, une mesure qui est destinée à sauver la récolte, sans que l'on offense Dieu en voulant par avarice extraire le maximum d'huile. À Rome, on nommait flos, c'est-à-dire la fleur, la première huile qui coulait. Pline, dans l'Histoire naturelle 15-23, écrit Quod vero post molam primum expressus est, flos, que qu'on doit traduire par l'huile qui est exprimée la première après le passage à la meule et la fleur. Pour la parfumerie, les olives étaient à peine broyées et pressées, mais pour l'alimentation, on poussait le processus de broyage à son terme et on utilisait le pressoir au maximum de sa puissance, comme nous l'indique Columelle en 1254-1. Cette fleur d'huile, qu'on pourrait traduire par huile vierge, était par exemple utilisée avec du garum et du poivre pour préparer une sauce pour les quenelles de poulet, selon le paragraphe 51 du livre de recettes attribué à Apicius. Après la première pression, la pâte d'olive était arrosée d'eau chaude et triturée. Alors voici un exemple des cuves dans lesquelles on décante l'huile de première pression. Très bel exemple d'une huilerie de Mador en Algérie. Et les bassins sont très petits parce qu'il n'y a que de l'huile et de l'eau de végétation des olives, c'est-à-dire une petite quantité de liquide. Et à côté de cela, lorsqu'on passe à la deuxième pression, on utilise bien sûr des cuves beaucoup plus grandes puisqu'on ajoute des quantités assez importantes d'eau chaude. Après la première pression, donc, la pâte d'olive était arrosée d'eau chaude et triturée à nouveau avant d'être pressée. L'opération était recommencée plusieurs fois, et ceci jusqu'à une époque récente, en 1788, à Saint-Mitre, en Provence, on ne faisait pas moins de 7 sortes d'huile, depuis la verte surfine jusqu'à celle dite d'enfer, en passant par l'huile primeur et l'huile mûre. Les huiles obtenues étaient de qualité décroissante, et il fallait éviter de les mélanger, comme l'indique Columelle en 1252-11. Les dernières huiles étaient destinées à alimenter les lampes plutôt que les hommes, encore que les avares n'aient pas hésité à s'en servir, et surtout à en servir à leurs invités pauvres, faisant partie de leur clientèle juvénale. Dans la Satire 5, au vers 86-88, écrit « Viron arrose son poisson d'huile de vénafre, le chou blafard qu'on t'emporte, pauvre homme, pue l'huile de lampe. » Nous verrons que l'huile de vénafre était l'archétype de l'huile de bonne qualité. La décantation des margines dans des bassins spécialisés, les caquets, comme on disait en Provence au siècle dernier, permettait de récupérer une sorte de boue huileuse qu'on utilisait comme graisse, le plus souvent après l'avoir fait réduire par évaporation, en la chauffant. C'est ce que l'on appelle l'amurcale. Dans l'huilerie romaine de Tarado, que nous avons fouillé il y a maintenant une trentaine d'années, on voit très bien à la fois le pressoir, les cuves de décantation des premières huiles et un long canal qui aboutit à une cuve très vaste où l'on envoyait justement ces résidus de façon à récupérer l'amurca. Enfin, dernière catégorie de classement des huiles est celle qui est liée à la région d'origine. Car, outre les diverses qualités dont nous venons de parler, les amateurs savaient apprécier la provenance des huiles, distinguant l'huile de Bétique d'une huile d'Italie ou de Syrie. En Grèce, l'huile de Samos était considérée comme la plus belle de toutes les huiles, selon Antiphane ou Alexis, cité par Athénée au livre 2, paragraphe 64a. Celle de Carie était appréciée par certains pour leur bain, toujours chez Athénée en 67a, et celle de Thurioi, qui était la colonie panhellénique qui occupait l'emplacement de Sybaris, était particulièrement réputée en Grande Grèce, toujours selon Athénée, au livre 2, paragraphe 67b. En Italie, l'huile de vénafre était considérée comme la meilleure. Elle était suffisamment délicate, nous l'avons vu, pour être employée en parfumerie, comme le célèbre unanimement Varron en 1-2-6, Horace dans les Odes en 2-6-16, et aussi dans les Satires, dans la Satire 2-4-69, ainsi que Martial dans les Épigrammes, livre 13, Épigramme 101. Le territoire voisin de Casinum, c'est-à-dire aujourd'hui Cassine, jouissait aussi de la même réputation, selon Varron, dans un passage peu connu des Antiquités humaines, livre 9, qui est cité par Macrobe dans les Saturnales, livre 3, paragraphe 16-12. Macrobe qui écrit les meilleurs, enfin, citant Varron, écrit « Les meilleures victuailles sont fournies par la Campanie pour le blé, par le territoire de Falerne pour le vin, par celui de Casinum pour l'huile, de Tusculum pour les figues, de Tarente pour le miel, et par le Tibre pour le poisson. » Il y avait aussi l'île de la région de la Sabine, au nord de Rome, au nord-est de Rome, qui était très appréciée, au dire de Strabon, livre 5, paragraphe 3-1. L'Apulie était, à la fin de la République, une région d'exportation d'huile, dont témoigne Varron, au Res Rusticae 2-6-4, et nous l'avons vu, les nombreuses amphores dites de brinde, exportées notamment vers la Méditerranée orientale. Plus au nord, l'huile d'Istrie et de Liburnie, soit en Croatie actuelle, était considérée comme excellente. Martial, dans le livre 12 des Épigrammes, en 63-2, cite cette région oléicole à l'égal de celle de Cordoue et de celle de Vénafre. Il dit « Cordoue, plus abondante que la grasse Vénafre, non moins gardie d'olivier que l'Istrie. » Et durant l'Antiquité tardive, l'huile d'Istrie est encore citée par le recueil byzantin des Géoponiques au livre 4, 27. En Espagne, c'est l'huile de Bétique qui remportait tous les suffrages par son abondance et sa qualité, vantée entre autres par Strabon au livre 5, paragraphe 23, par Pline en 15-8 et aussi en 17-31 et 93, et enfin par Martial au livre 12, 63-1. L'huile d'Afrique, elle, n'avait pas une bonne réputation au dire de Juvénal. Mais il ne faut pas oublier que c'est un satiriste qui force le trait. Il ne faudrait pas étendre à toute l'Afrique et à toutes les périodes un trait d'esprit qui est certainement daté du 1er siècle de notre ère. Nous avons vu que cette huile, l'huile d'Afrique, est exportée dès la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, ce qui assure qu'elle avait su conserver une qualité suffisante pour pouvoir être écoulée sur les marchés extérieurs. Comme pour les vins, les fraudes étaient courantes. Apicius, livre 1, paragraphe 6, repris par Palladius, au livre 12, paragraphe 18, livre une recette pour donner à l'huile d'Espagne le goût de celle de Liburnie en ajoutant à l'huile de l'aunay sèche, des feuilles de laurier et du souchet. Julius Africanus, un architecte juif du début du 3e siècle après Jésus-Christ, qui écrivait en grec, enseigne, dans son ouvrage intitulé « Les Cestes », livre 1, 19, paragraphe 63-90, deux méthodes pour falsifier l'huile et lui donner le goût des huiles les plus prisées, c'est-à-dire celles d'Ibérie et d'Istrie. Il s'agissait, en ajoutant divers composants, telles que les feuilles d'olivier sauvage, les feuilles d'amandier, une épice qui s'appelle le fenugrec, et en ajoutant aussi de l'absinthe, d'ajouter tel ou tel arôme et de jouer sur l'amertume. Les géoponiques, beaucoup plus tard, donnent des recettes analogues que vous trouverez au livre 9, paragraphe 26-27. Le Collège de France et France Culture vous présente Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, quelle utilisation de l'huile d'olive ? Donc, nous avons vu les quatre grandes catégories de classement et, à l'intérieur des classements, les diverses qualité possible. Évidemment, tout cela se combinait et les amateurs étaient capables de distinguer les meilleures huiles des pires. Mais pour quel usage ? L'huile d'olive jouait certes un rôle alimentaire, mais elle servait aussi et beaucoup aux soins du corps, à la parfumerie, à la pharmacie, au rituel, à l'artisanat textile, à l'éclairage, au graissage, etc. Les plus anciens usages attestés ne concernent d'ailleurs pas l'alimentation, mais la parfumerie et de façon plus large, les soins du corps et la médecine. Selon Athénée, au livre 2, paragraphe 46f, Démocrite d'Abdère, célèbre philosophe matérialiste pour qui l'univers était fait d'atomes, et qui était né, comme vous le savez, vers 460 avant Jésus-Christ et mort en 370. Donc, Démocrite, à qui l'on demandait un jour ce qu'il fallait faire pour jouir d'une bonne santé, aurait dit, je cite, « humecter l'intérieur avec du miel et le dehors avec de l'huile ». Et à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'empereur Auguste, qui l'interrogeait sur le secret de sa longévité, Pollion Romilius, un centenaire encore vert, fit une réponse semblable, intus muso foris oleo, c'est-à-dire du vin mielé au-dedans et de l'huile au-dehors. Cette anecdote est citée par Pline, livre 22, paragraphe 114. Commençons donc par les usages externes. Depuis les temps les plus reculés, les corps gras animaux et végétaux ont été utilisés pour protéger et assouplir la peau. Les anciens Mésopotamiens utilisaient surtout de l'huile de sésame. Imdoulum, un Mésopotamien du XIXe siècle avant Jésus-Christ, écrit dans une lettre envoyée à un de ses correspondants qui s'appelle Pouzur Hassour, un marchand qui était établi à Kanish, en Anatolie, je cite, « Je n'ai plus d'huile pour moindre. Lorsque tu viendras, apporte-moi de l'huile de première qualité de la ville d'Assour, ou encore de l'huile de première qualité d'Ahum, la meilleure du palais, pour moindre. » Mais les Méditerranéens employaient surtout de l'huile d'olive. Ce sont des jarres d'huile d'olive et des flacons d'huile parfumée au myrte et à l'oliban que les rois des Blas en Syrie envoyaient en cadeau à ceux de Marie dans la seconde moitié du troisième millénaire avant Jésus-Christ. En Judée, c'était une malédiction de ne plus avoir d'huile parfumée. Selon le Deutéronome, en 28-40, il fallait être en deuil pour ne plus porter de parfum. Et là, je vous renvoie au deuxième livre des Rois, paragraphe 4, sous paragraphe 2. Outre les usages religieux que l'on trouve dans l'Exode, en 22-30, ou les usages funéraires, les huiles parfumées étaient employées pour les onctions lors du bain et les frictions médicamenteuses. En Crète, les pictogrammes en linéaire 1 montrent des olives sous les formes sauvages et cultivées. Les olives sauvages sont les plus fréquemment mentionnées, car largement employées en parfumerie et en médecine, surtout parce qu'elles étaient encore les plus courantes à cette époque. On exploitait beaucoup les olives des oliviers sauvages à cette période. Mais je ne m'étends pas sur la fabrication et l'usage des huiles parfumées, auquel, comme vous le savez, j'ai consacré une année de cours en 2012, et un ouvrage que j'ai écrit avec Xavier Fernandez, qui s'appelle « Parfum antique » de l'archéologue chimiste, qui est paru à Milan en 2015. Je rappelle seulement que l'onction d'huile, parfumée ou non, était le complément normal du bain depuis l'âge du bronze, et on en a un témoignage dans les épopées homériques, par exemple Télémaque sortant du bain et frotté d'huile par les servantes, dans l'Odyssée, au champ 3, vers 466. Et ceci jusqu'à la fin de l'Antiquité, avec l'extraordinaire développement des établissements thermaux. Pendant l'époque hellénistique romaine, et dans tout l'Orient, on fit une grande consommation d'huile au gymnase et à la palestre. Les athlètes s'en enduisaient le corps avant la lutte ou la course. Elles les protégeaient des ardeurs du soleil, et elle fixait la poussière dont il se recouvrait. L'exercice fini, il raclait l'huile et la poussière avec de longues cuillères en bronze, les strigiles, et il nettoyait ensuite leur peau avec de l'eau, de la potasse, de la soude, du nitre, et à l'aide d'une éponge. Il passait ensuite dans l'étuve pour finir de se décrasser en suant, puis calmer et assouplissait leur peau irritée en se faisant masser avec une huile chaude. Il était honteux de n'avoir pas sa provision d'huile lorsqu'on se rendait à la palestre et au gymnase. Au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Pyrrhon, qui était le secrétaire particulier de Zénon de Conos, que j'ai eu souvent l'occasion de citer, car c'était l'intendant du ministre des Finances de Ptolémée II, qui était chargé de la mise en valeur d'un grand domaine dans le Fayoum. Donc Pyrrhon, qui était son secrétaire, supplie son patron de lui accorder diverses gratifications, dont une allocation d'huile pour son fils, qui est en âge d'aller à la palestre. Et je vous renvoie au papyrus de la Société italienne, numéro 418. À l'époque classique et au début de l'époque hellénistique, on chercha les moyens de fournir de l'huile aux gymnastes. Une intéressante synthèse sur la fourniture d'huile au gymnase a été réalisée par Pierre Frelich dans un article qui s'appelle « Les activités énergétiques à l'époque hellénistique tardive, la fourniture de l'huile », paru dans un ouvrage collectif sous la direction de M. Curti, qui s'appelle « L'huile et l'argent, gymnasarchie et évergétisme dans la Grèce hellénistique », un ouvrage paru en 2009. L'huile était fournie par les cités et les usagers du gymnase qui se cotisaient pour en financer la dépense. Il arrivait que le gymnase soit doté de terrains ou de locaux qui étaient loués et de fonds qui étaient prêtés. Et c'est ainsi qu'on récupérait donc de l'argent pour acheter l'huile. On pouvait aussi solliciter la générosité des citoyens. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Léonidès d'Halicarnasse a offert un portique à Pharsale dont la location des boutiques permettait d'acheter de l'huile. Tlépolémos, un lycien, offrit de son côté des terrains à Delphes pour la fourniture de l'huile à la fin du IIIe siècle. Et vers 160 avant Jésus-Christ, il y eut une souscription civique à Élatée pour la même raison. La munificence des rois de l'époque hellénistique était aussi mise à contribution. Par exemple, nous savons par l'inscription, inscriptiones graecae 12-327, que Ptolémée donna des domaines pour l'achat d'huile à la cité de Théra. À partir de la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ et durant les premiers siècles de l'Empire, ce furent les gymnasiarques qui furent chargés de la fourniture de l'huile. Au début, il semble que les gymnasiarques géraient l'approvisionnement en huile, mais ne l'offraient pas de leurs deniers. Mais vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, des inscriptions commémorent la générosité de certains gymnasiarques, tels qu'un certain Philippos, qui, en 106-105 avant Jésus-Christ, a refusé d'utiliser l'argent réuni par les usagers et a payé l'huile de sa poche. À Priène, vers 70-60 avant Jésus-Christ, Sosimos a donné de l'huile toute la journée du lever du soleil à la première heure de la nuit, c'est-à-dire pratiquement sans limite. En effet, les distributions d'huile se faisaient à heure fixe, le matin et le soir, et l'on avertissait les gymnastes par une cloche. Cicéron, dans le traité De Oratore, livre 2, paragraphe 5 et sous paragraphe 21, raconte que les Grecs abandonnaient l'enseignement des philosophes pour se ruer à se frotter d'huile lorsque le signal retentissait. Des stèles du 1er siècle avant Jésus-Christ de Calcédoine montrent les attributs des gymnasiarques, la palme et le bassin d'huile. Sur la stèle d'Ariston et Gykeia, qui est conservée au musée d'Istanbul, on trouve d'un côté les symboles habituels de la femme pour Gykeia, flacon, un parfum, les fuseaux, le miroir, le kalatos, et pour Ariston, la panoplie militaire, qui doit correspondre à la charge de stratège, les tablettes, le stylet, qui montre que c'était un lettré, le strigile, l'oenokoé, le bassin sur trépied, et la palme, qui sont les insignes, en quelque sorte, les symboles de la gymnasiarchie. Il y a aussi la hache, le pot à encre et le stylet, et trois couronnes qui doivent correspondre à une prêtrise. On trouve aussi une cloche et une balance qui, elles, doivent faire référence à la charge d'agoranome. La stèle affiche donc les symboles de la bonne éducation et du dévouement à la cité. Dans une stèle de Pruse de l'Olympe, toujours conservée au musée d'Istanbul, datée du 1er siècle après Jésus-Christ, on voit aussi représenter une grosse cloche, donc le moment où on fait la distribution d'huile, une double hache et un jeune homme puisant avec un gobelet dans un bassin d'huile profond, et le tout est associé à une table agonistique où étaient déposés les prix destinés aux vainqueurs des concours. Alors, outre l'huile pour les gymnastes, le gymnasiarque offrait parfois de l'huile pour le bain. La première attestation concerne Sosimos de Prienne, qui a offert l'huile pour oindre les baigneurs après le bain, et il avait même élargi cette libéralité aux étrangers venus pour la panégérie, c'est-à-dire pour une fête. Et désormais, les gymnases dotés de thermes seront bientôt un seul ensemble, et puis progressivement, les thermes vont absorber les gymnases dans une évolution qui en soi est intéressante, y compris pour la consommation d'huile. Plusieurs sortes d'huile étaient offertes selon la générosité des donateurs et étaient ainsi portées au crédit de la munificence, mégaloméros, des gymnasiarques. On trouve mention dans les inscriptions d'huile d'olive ordinaire, d'huile de qualité supérieure, d'huile parfumée, d'ongan et des palemnas. À Érythrée, vers 100 avant Jésus-Christ, les gymnasiarques Elpikinos et Mantidoros ont offert l'huile la meilleure, Cariestatone, dit-on. À Pergame, Diodoros Pasparos a offert à la fois de l'huile normale et de l'huile parfumée. On trouve le terme Elaion aromatismenon, destiné au gymnase et aussi au bain. Les donations se poursuivent à l'époque impériale, à Crafia et à Stratonicée de Carie. Quant à l'Epaema, on sait qu'elle différait de l'huile parfumée, car l'inscription de Sosimos de Prienne, étudié dans l'article cité de Pierre Frelich, indique qu'il a offert à la fois de l'huile parfumée et de l'épalaïma. Ce terme pourrait désigner une sorte d'ongan qu'on passait après le bain. La consommation d'huile dans les établissements de sport était donc considérable. Entre 195 et 167 avant Jésus-Christ, la cité de Toromenion, en Sicile, attribua 3800 litres d'huile par an à son gymnase. À la fin de l'époque hellénistique et sous l'Empire, les gymnasiarques, qui avaient pour fonction principale désormais de fournir l'huile, s'engageaient donc dans des dépenses considérables que seuls les plus riches pouvaient se permettre. Une inscription de Larissa d'Éolide du 1er siècle avant Jésus-Christ indique qu'un gymnasiarque a exercé 4 fois la charge avant d'en être honoré à vie, ce qui l'a amené à léguer des terres par testament afin que sa gymnasiarchie perpétuelle soit assurée éternellement. C'est ainsi que la fonction devint progressivement honorifique. Durant le Haut Empire, des princes de la famille impériale, des femmes et des enfants sont honorés du titre de gymnasiarque pour avoir fourni de l'huile, alors bien entendu que la gestion de l'établissement, c'est-à-dire du gymnase, était confié à un épimélète, c'est-à-dire à un sous-magistrat, si vous voulez. Ces fournitures gratuites d'huile ne peuvent guère se concevoir que dans des régions où l'on en produisait en abondance. Remarquons que les inscriptions sont concentrées sur les bords de la mer Égée et en Grèce de l'Est, ce qui recoupe les zones de production des amphores Dressel 24 et 25, puis l'être Oman Amphora 2, que j'ai présenté dans un cours précédent. Il en est de même pour la Sicile, où l'huile était fort abondante. Plus à l'ouest, on trouve aussi des distributions d'huile, mais non plus dans le cadre de la fourniture au gymnase. Une petite série d'inscriptions des Alpes-Maritimes et de Narbonnaise mentionne des distributions d'huile faites par des notables locaux dans le courant du IIe siècle après Jésus-Christ. 2 proviennent de Sémélénum, c'est-à-dire de Cimiez, à côté de la ville de Nice. La première est une dédicace à Mercure, de la part de Caius Cassius Paternus, qui était patron du collège des utriculaires et qui a donné des sportules et de l'huile au collège des ouvriers du bâtiment, aux utriculaires, aux centonarii, qui étaient les couturiers rapiesseurs et qui étaient très importants, une corporation très importante dans l'Antiquité. En Haute-Provence, à Reis Apollinaris, une autre inscription mentionne à nouveau les utriculaires et une distribution d'huile à la plèbe. Enfin, à Sérignan-du-Comtat, dans le Vaucluse, un magistrat a offert de l'huile. Dans ces trois régions, la production d'huile est certaine et c'est donc des libéralités somme toute raisonnables que faisaient ces notables locaux. Mais on ne s'agit pas s'il s'agit d'huile alimentaire ou d'huile pour le corps, je pense plutôt pour la seconde option à cause du prestige culturel qui était attaché à cet usage. Quoi qu'il en soit, l'usage intensif de l'huile pour les massages après le bain a provoqué en Italie et dans toutes les provinces une hausse de la consommation d'huile. La multiplication des thermes privés et surtout publics à partir du IIe siècle en est le signe. Ils deviennent les monuments publics les plus nombreux et les plus fréquentés. Et cette multiplication s'est accompagnée nécessairement d'une augmentation considérable de l'huile, parfumée ou non, que l'on y utilisait. Il suffit de rappeler que toutes les villas, tous les camps militaires et même tous les villages étaient équipés de thermes et qu'à Rome, Agrippa fit ouvrir 170 établissements publics de bains sous le règne d'Auguste, et vous trouverez la référence chez Pline au livre 36, paragraphe 77, et qu'il en existait environ 900 au IVe siècle. Cette augmentation permet donc de mesurer l'augmentation proportionnelle de la consommation d'huile. Parallèlement à son rôle pour les soins du corps, l'huile servait aussi de médicament. Le plus ancien traité de médecine, une tablette sumérienne du 3e millénaire avant Jésus-Christ, trouvée à Nippur, utilise de l'huile de graine, de l'huile de cèdre et de l'huile de mer, on suppose tirée des poissons, comme base pour des onguents à usage externe. L'organe malade était frotté de ces huiles auxquelles étaient ajoutées diverses substances chimiques et aromatiques. Les huiles de graines entraient dans la composition de nombreux médicaments égyptiens. L'huile était utilisée soit seule, soit comme excipient. Dioscoride, au livre 1, paragraphe 30 et au paragraphe 105, et Pline, au livre 23, paragraphe 77, recommandent l'huile d'oléastre et l'omphacium en bain de bouche contre les gencives putrides. Les raclures d'huile, de sueur et de poussière que les athlètes enlevaient de leur corps après s'être exercés à la palestre était réputé avoir des vertus médicinales. En grec, on l'appelait gloios. Selon la loi de Beroia, datée des environs de 180 avant Jésus-Christ, le gardien du gymnase, un esclave, entretenait les lieux et il recevait en échange le gloios. Et je vous renvoie à un très joli article de Louis Robert dans le bulletin épigraphique 1978. Ailleurs, ces raclures d'huile étaient revendues avec profit par les directeurs du gymnase. Et vous trouverez une référence dans l'Histoire naturelle de Pline, livre 15, paragraphe 19. Le gloios était en effet vendu aux pauvres pour s'en enduire, ou bien on en faisait des remèdes utilisés en gynécologie et en rhumatologie. Et on a une référence chez Pline au livre 28, paragraphe 50. On se servait aussi de l'huile comme préservatif et comme abortif. Le médecin Soranos d'Éphèse, qui exerçait à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ, prescrit d'enduire l'orifice de la matrice d'huile d'olive vieille et, pour avorter, de faire des injections d'huile d'olive chaude ou d'huile vieille et de rue. Vous trouverez ça dans les Guinaïcas, livre 1, paragraphe 61-64. L'huile enflorait à la rose ou à l'œnante, combattait les poisons, les ulcères, apaisait les coliques, chassait les vers intestinaux, faisait tomber la fièvre, etc. Et il y avait bien D'autres huiles employées, pratiquement toutes les huiles parfumées, avaient des indications thérapeutiques, comme nous l'avons vu dans le cours sur les parfums. Mais, évidemment, on consommait aussi l'huile d'olive pour l'alimentation. Les textes anciens parlent peu de l'huile utilisée en cuisine, probablement parce que cet usage était tellement évident qu'il n'avait aucun besoin de le décrire. Dans les pays de montagne, c'était le gras animal, surtout le lard et le saindoux, qui servaient de fond de cuisine. Quant à l'Égypte et à la Mésopotamie, elles furent toujours fidèles aux huiles de graines, comme nous l'avons vu. Pour la Grèce classique, le corpus hippocratique donne des renseignements utiles. Les légumes sont assaisonnés à l'huile, au fromage, au miel, à l'oignon, au vinaigre, ainsi qu'au silphium, qui était une plante aromatique qui poussait sur les côtes de la Libye. Hippocrate considérait que l'huile était un produit de luxe, utile en petite quantité, nuisible en excès, alors que, pour la consommation alimentaire, bien sûr, alors que l'usage externe était toujours valorisé pour l'exercice, bien sûr, et, comme nous l'avons vu, pour les massages après le bain. Cette observation d'Hippocrate suggère que les riches devaient consommer beaucoup d'huile pour leur alimentation et que les médecins tentaient de les réfréner. Et je vous renvoie au livre 2, paragraphe 58. À la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Philon de Byzance, dans son traité sur les fortifications d'attaque et de défense, détaille les provisions à faire pour parer au siège d'une ville. Parmi elles, au livre 2, paragraphe 14, il indique une recette d'un aliment de siège très nourrissant, pouvant se conserver longtemps. C'est une sorte de pâte de sésame et d'amande mélangée avec de l'huile et du miel et cuite à petit feu. Après cuisson, on en faisait des boulettes qui servaient de nourriture très énergisante. Mais pour la vie quotidienne, c'est surtout Athénée qui nous donne des détails sur l'utilisation de l'huile en cuisine dans ses extraits choisis du célèbre ouvrage « Les Démnosophistes », c'est-à-dire « Les banquets des sophistes ». Selon Eubule, chez Athénée, livre 2, paragraphe 64c, lors de l'amphidromie, c'est-à-dire lors du rituel au cours duquel le père devait courir autour du foyer domestique avec un enfant qui venait de naître, les gens avaient coutume de faire griller un morceau de fromage, de chersonèse, de faire bouillir un chou et de l'arroser d'huile. Selon Philémon, cité à nouveau par Athénée en 2,64e, il fallait faire frire les oignons dans l'huile. Le poisson aussi était frit dans l'huile et le mouton aussi. Et toujours, je vous renvoie au Démnosophiste, paragraphe 126, 285c et 292e. L'huile servait aussi à pétrir la farine pour des sortes de galettes qu'on donnait aux enfants après l'aiklon, c'est-à-dire après le souper. Les sources juives apportent des informations de notre ordre. La Mishnah, dans le traité Ketubot 5, 8, 9, indique la ration minimale de vivres que doit recevoir une femme lorsque son mari s'absente pour une semaine. Et cette ration comprend 2 kg de blé, des pois chiches, des lentilles, des olives en conserve et de l'huile. Les Romains, quant à eux, utilisaient l'huile d'olive comme fond de cuisine. Un passage de la pièce de théâtre Pseudolus de Pline, joué pour la première fois en 191 avant Jésus-Christ, y fait allusion. Je vous rappelle que toute la pièce tourne autour d'une jeune fille esclave qu'un proxénète veut vendre à un militaire, alors qu'un jeune homme libre en est amoureux. Dans l'acte 1, scène 2, vers 221, le proxénète menace la prostituée Xystilis de la pergola, c'est-à-dire de la pièce à l'étage, c'est-à-dire, évidemment, de la prostitution d'avantage, si elle ne se fait pas donner des culées d'huile par ses riches amants, qui en sont bien pourvus. Les culées, ce sont ces grosses outres qui servaient au transport de l'huile, comme nous l'avons vu dans un cours précédent. Et c'est ainsi qu'il fait alors allusion à l'usage externe de l'huile, que l'on utilise pour se mettre sur la tête, mais aussi à son propre pulmentum, c'est-à-dire au ragoût à base de viande, dont il fait son ordinaire, et qui pourrait ainsi, nous dit Plot, être untius culus, c'est-à-dire onctueux, bien gras. Le livre fameux attribué à Marcus Gavius Apicius, un riche personnage de l'époque d'Auguste et de Tibère, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, au début du 1er après, mais en réalité compilé au 4e siècle de notre ère à partir de recettes plus anciennes, mentionne l'huile d'olive dans la plupart des préparations. Pour les fritures de poissons, paragraphe 150-163, dans les ragoûts de viande, en 264, en 289, en 357, pour les sauces, au paragraphe 210, pour les bouillies, au paragraphe 179, pour cuire les pois et les fèves, au paragraphe 195 et 196. Mais cette omniprésence de l'huile d'olive n'atteignait probablement pas les campagnes, car le traité incarne surtout la cuisine urbaine raffinée, réservée à une élite. Des auteurs satiriques, surtout Horace dans la Satire 2, 2 vers 61 et 62, et la Satire 2, 3 vers 125, indiquent que l'huile mélangée à du vinaigre ou à du garum était l'assaisonnement habituel des légumes, et notamment du chou. Et je cite donc la 2, 61-62, l'avare laisse couler lui-même sur des choux goutte à goutte d'une corne qui en contient 2 livres, une huile dont tu ne pourrais supporter l'odeur. Et dans la Satire 2-325, il est dit « Et si tu mettais une meilleure huile dans tes choux ou sur ta tête fort sale et mal peignée ?» Certains gâteaux aussi étaient faits à base d'huile d'olive et de farine, comme la placenta, qui est une recette qui nous est donnée par Caton dans le De Agricultura, paragraphe 76. L'huile alimentaire, selon Pline, devait mordre, c'est-à-dire qu'elle devait conserver une certaine âpreté qui vient, comme je vous l'expliquais, de l'européine, et elle se distinguait en cela de l'huile à parfum. Pline écrivait que l'huile de l'huile à parfum était fine, ténuée, odoratum, quodque non modeat, et diverso quam incibis eligitur, et ce qui veut dire que l'huile à parfum était fine, odorante, et qui ne mordait pas, à la différence de celle que l'on emploie pour les nourritures. Et c'est d'ailleurs pour cela que les vrais gourmets utilisaient en cuisine de l'huile de vénafre, dont nous avons vu qu'elle avait une grande réputation de finesse et d'adéquation au parfum. En voici un exemple. Horace, dans la Satire 2, 8, vers 45-50, écrit « Quant à la sauce de la murène, voici ce qu'on y a mis. De l'huile de vénafre de première pression, du garum d'entrailles de maquereau d'Ibérie et, pendant la cuisson, du vin vieux de 5 ans, né de ce côté de la mer. » Ce qui veut dire en Italie, bien entendu. Puis, après la cuisson, du vin de Chios, qu'aucun autre ne saurait remplacer, ainsi que du poivre blanc et un peu de vinaigre de Métimne, qui est sur l'île de Lesbos. Donc on voit que les gourmets avaient un choix très particulier et se méfiaient, à la différence de ce que dit Pline, de l'huile qui mordait trop. C'était les cours du Collège de France le 19 décembre 2017. Vous venez d'écouter Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, quelle utilisation de l'huile d'olive ? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. Il a publié « Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique, viticulture, oléiculture et procédés de fabrication » chez Errance. Et chez le même éditeur en 2004, il avait publié « Archéologie du vin et de l'huile, de la préhistoire à l'époque hellénistique ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des cultures et des techniques autour de l'huile d'olive en compagnie de Jean-Pierre Brun. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.